Plus je cours après, plus l'oseille me fuit. Plus j'accélère, plus le soleil me suit. Je repense à quand je voulais qu'on me passe le ballon. Quand j'avais l'estomac dans les talons. Un jour ils font la queue pour acheter ma lessive. Ces putes feront du rodéo sur mon ogive. Je vais revenir d'entre les morts comme Goku. Une flèche en or dans l'œil de Moscou. Double A, ils ont retrouvé mon coup fin dans les débris du vaisseau. De l'adamantium à la place des os. Au gramme ou au kill si t'es venu pécho. Je t'aime à la mort, depuis que je t'ai trouvé. Je me torche avec les cartes du trésor. Les fumées de mes joints n'arrêtent pas de danser. Les balles de AK accompagnent mes pensées. Tu verras que les roulements de mon barillet. Au départ du circuit, Carole. Une salle de coups de feu qui chante un air sans parole. J'ai craché ma haine partout comme un reptile. Y'a mon ADN dans toute la ville. J'ai juré Yema, la seule différence entre ici et l'enfer. C'est le climat, mort au chien. On trouve dessus au char d'assaut. On te fait disparaître à la chaux. Prouve-moi que t'es des miens. Je te décroche la lune avec un lasso. Leur planète part en couille, c'est palpable. Tu regardes sans rien faire, t'es coupable. Je passe ni vu ni connu comme un sous-table. Gros pilon du riff en guise de soupape. Arrête de faire ton ciné. On sait comment ça va se passer in fine. T'as pas le choix, bitch, faut que tu coopères. Je te la mets dans le huc devant ton père. Loin du cœur, obligé, loin des yeux. J'suis dans voiture ouvreuse, j'ai mitrailleuse, très anxieuse. Quand je ralentis, ça la rend nerveuse. Je vais sur exoplanète, faut que je me barre de ce monde. Mais même Rome ne s'est pas fait en 86 400 secondes. International contrebandier, noir animal, je ne fais que bander. L'art de la guerre infernale, sabre laser sur marche impériale.